بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Donc ensuite l'auteur nous dit « Et bien d'autres types d'adoration qu'Allah a ordonné, toutes ne doivent être attribuées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. » وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc, et la preuve de cela que les adorations ne doivent être attribuées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le verset dans lequel Allah dit « Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » ومعنى لا تدعوا مع الله أحدا في هذه الآية معنى لا تعبدوا مع الله أحدا. Et la signification de n'invoquer avec Allah personne, hein, dans ce verset, n'invoquer, la signification c'est n'adorer, c'est-à-dire n'adorer personne d'autre, n'adorer avec Allah personne d'autre. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Donc quiconque attribue un de ces types d'adoration à autre qu'Allah sera certes un associateur et un mécréant. فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc Allah SWT nous dit, et c'est le dalil que le Cheikh a cité à la suite, et quiconque invoque avec Allah un autre dieu, il n'a point de preuve à cela, et son jugement incombera à son Seigneur. Certes, les mécréants ne réussiront pas. فحكم الله عز وجل في هذه الآية بالكفر على من يعبد مع الله إلها آخر. على من يعبد غير الله. من يعبد غير الله فقد حكم الله عليه في هذه الآية بالكفر. Donc celui qui invoque autre qu'Allah, celui qui adore autre qu'Allah, Allah dans ce verset l'a jugé comme mécréant. Car à la fin du verset il dit: certes, les mécréants ne réussiront pas. Donc quiconque adore autre qu'Allah, avec Allah, ou quiconque adore, invoque autre qu'Allah, eh bien ces personnes-là sont des mécréants. Thumma qala Cheikh Mohamed et Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, bayyana lana huna shay'un muhim. Faqal. قد يقول المرء كفرا فلا يكفر. Il se peut qu'une personne dise Il se peut qu'une personne dise une parole de mécréance, mais pour autant, la sentence et le jugement qu'il... Il se peut qu'une personne dise une parole de mécréance, et pour autant... Et pour autant, on ne va pas le juger comme mécréant. Car comme nous... Car comme nous avons expliqué dans un cours précédent, il y a certaines choses... Car comme nous l'avons dit dans un cours précédent, il y a certaines choses qui empêchent de poser le Car comme nous avons dit dans un cours précédent, il y a certaines choses qui empêchent de poser le jugement de mécréance sur une personne. Il y a certaines choses, si ces choses sont présentes, on ne peut pas juger la personne comme étant mécréante. Et parmi ces choses, il y a l'ignorance. Si la personne est ignorante que l'acte qu'il a commis... Si la personne est ignorante que l'acte qu'il a commis le fait sortir de l'islam, ou que la parole, ou que la parole qu'il a dite est une parole de mécréance qui fait sortir de l'islam. S'il est ignorant donc, on ne peut pas le juger comme mécréant jusqu'à ce qu'on lui explique que cette chose-là, cet acte ou cette parole fait sortir de l'islam. Alors s'il persiste, après qu'on lui ait expliqué, alors à ce moment-là, il sera jugé comme mécréant, après qu'on lui a expliqué et qu'il connaisse le jugement de cette chose. Et également parmi les choses qui empêchent de poser le jugement de mécréance, la mauvaise interprétation, ce qu'on appelle en arabe « at-ta'wil ». Il a mal compris des textes, puis il les a interprétés à sa manière, de telle sorte qu'il est tombé dans un acte ou dans une parole de mécréance, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Donc pareillement, celui-là, on va lui expliquer que cette parole est une parole de mécréance, ou que cet acte est un acte de mécréance, et on va lui enlever son ambiguïté. On va lui corriger sa compréhension. Puis si après cela il persiste, à ce moment-là il sera mécréant. Et également parmi les choses qui empêchent de poser le jugement de mécréance sur quelqu'un, la contrainte. S'il est contraint à dire une parole de mécréance ou à faire un acte de mécréance, comme l'exemple de Ammar, radiallahu anhu, lorsque les mouchriquines de Quraysh l'ont persécuté, lui et ses deux parents, et qu'ils ont tué ses parents devant ses yeux, et qu'ils l'ont forcé à insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sous l'effet de la persécution, Ammar a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est un acte de mécréance. Man sabba Allah, aw sabba rasulahu, aw sabba dinahu, aw kitabahu, faqad kafar, bi ijma'il muslimin. Celui qui insulte Allah, son prophète, celui qui insulte Allah, ou bien qui insulte son prophète, ou qui insulte sa religion, yani la religion d'Allah, eh bien cette personne-là est un mécréant, à l'unanimité des musulmans. وَلَا يُقَالْ إِنَّهُ سَبَّ اللَّهُ نَعَمْ بِسَبَبِ شِدَّةِ الْغَضَبِ أَوْ سَبَّ الدِّينِ بِسَبَبِ شِدَّةِ الْغَضَبِ هَذَا لَيْسَ بِعُذْرِ. Et ce n'est pas une excuse de dire qu'il a insulté Allah sous l'effet de la colère, ou qu'il a insulté la religion sous l'effet de la colère. سَبُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَسَبُّ رَسُولِهِ وَسَبُّ دِينِ الْإِسْلَامِ لَا يُعْذَرْ فِيهِ الْإِنسَانِ بِالْغَضَبِ. On n'excuse pas une personne qui insulte Allah ou son prophète ou sa religion sous l'effet de la colère. Ceci n'est pas excusable. même s'il est dans une grande colère, si jamais il insulte Allah ou son prophète ou la religion de l'islam, eh bien cette personne sort de l'islam. Mubasharatan. Directement. Limaza. Pourquoi ? لأن هذا الإنسان كل إنسان يعرف أن السب مذموم. Tout le monde sait que l'insulte est quelque chose de mal. ثم هذا الإنسان مع شدة غضبه لم يجد سوى الله ورسوله ودينه ليسب. لماذا لم يسب أباه أو أمه؟ Donc cette personne, pourquoi était tout, malgré qu'il était sous l'effet de la colère, il n'a pas trouvé une autre personne qu'Allah et son prophète à insulter? Si dans son état de colère, on lui aurait dit « insulte ton père ou ta mère », il ne l'aurait pas fait. Mais Allah et son prophète, ils trouvent le moyen de le faire. « فَلِذَلِكَ سَبُّ اللَّهِ وَسَبُّ الرَّسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَبُّ دِينِ الْإِسْلَامِ هَذَا لَا يُعْذَرْ فِيهِ الْإِنسَانِ بِالْغَضَبِ إلا في حالة واحدة. Sauf dans un seul cas. Il y a un seul cas dans lequel on va l'excuser pour sa colère, qu'il ait insulté Allah et son prophète. إذا كان غضبه قد أخرجه عن عقله فلا يعقل ما يقول. Sauf s'il arrive dans un état de colère tel qu'il ne raisonne plus, il n'a plus de raison, il ne sait plus ce qu'il dit. C'est le seul cas dans lequel la colère sera une excuse pour ne pas appliquer le jugement de takfir, le jugement de mécréance sur cet homme-là. Mais auquel cas, mais dans les autres cas, peu importe le degré de sa colère, tant qu'il a la raison, tant qu'il sait ce qu'il dit, tant qu'il sait ce qu'il dit, eh bien, tant qu'il sait ce qu'il dit, eh bien, s'il insulte Allah et son prophète et sa religion, il sera sorti de l'islam. هذا الناقد يعني س بارك الله فيك donc cet acte de mécréance c'est un des rares actes de mécréance dans lesquels il n'y a pas de iqamatul hujja, il n'y a pas de quoi de on n'a pas besoin d'apporter des preuves, car c'est quelque chose qui est clair et qui est évident à tout le monde. Le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'oserait insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui se permet d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, il est sorti de l'islam et il faut qu'il fasse tauba et qu'il revienne à l'islam. Taïb. Idan khulnan الإنسان قد يقول كلمة الكفر أو يعمل عملا كفريا فلا يكفر لوجود مانع. Donc, il se peut qu'une personne dise une parole de mécréance ou fasse un acte de mécréance, mais pour autant on ne va pas le juger mécréant. Pourquoi? Car il y a des choses qui empêchent de poser ce jugement, comme les choses que j'ai citées, à savoir l'ignorance, la mauvaise interprétation et la contrainte. ثم المصنف رحمه الله سيذكر لنا الأدلة ثم المؤلف رحمه الله سيذكر لنا أدلة أنواع العبادة التي ذكرها. Puis donc l'auteur va nous citer les preuves que les choses qu'il a citées sont des adorations. فالدعاء جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة. Il a été rapporté dans un hadith, l'invocation est le cerveau de l'adoration. Mais ce hadith comporte une faiblesse. فهذا حديث ضعيف. C'est un hadith qui est faible celui-là. l'invocation est le cerveau de l'adoration est un hadith faible. Mais il y a un autre hadith authentique qui dit l'invocation, c'est ça même l'adoration. Et celui-là est authentique. Donc c'est une preuve que l'invocation est une adoration. وكذلك قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Également dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration entreront en enfer humiliés. فسمى الدعاء عبادة. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié l'invocation d'adoration, car il a dit Udruni astajib lakum, invoquez-moi, je vous répondrai. Puis ensuite il parle de ceux qui ne l'invoquent pas, il dit Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration, ceux qui ne m'invoquent pas entreront en enfer humiliés. فهذا دليل على أن الدعاء من العبادة. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. La preuve que la peur est une adoration, que nous devons avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le verset dans lequel Allah nous dit et n'ayez pas peur d'eux, c'est-à-dire des créatures, mais ayez peur de moi si toutefois vous êtes croyants. فشرط للإيمان أن يكون الإنسان يخاف الله عز وجل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme condition pour la foi, si vous êtes vraiment des croyants, alors vous devez me craindre. La peur d'Allah subhanahu wa ta'ala est une condition pour la foi. Donc ceci prouve que c'est une adoration. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et la preuve que l'espérance, l'espoir en Allah est une adoration, c'est le verset dans lequel Allah dit « Et quiconque espère la rencontre de son Seigneur alors qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. » C'est-à-dire qu'il unifie Allah dans l'adoration. Donc au début du verset, il a dit « Quiconque espère la rencontre d'Allah. » Quiconque espère en Allah alors qu'il accomplisse une bonne œuvre et qu'il ne fasse pas de shirk. Donc ceci prouve que l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله عز وجل كما في الخوف شرط للإيمان التوكل عليه. Donc de la même façon que pour la peur, Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme condition à la foi, si vous êtes vraiment des croyants, c'est une condition que vous placiez votre confiance en Allah. Si vous êtes des croyants, vous devez placer votre confiance en Allah. فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. Donc celui qui ne place pas sa confiance en Allah n'est pas un croyant. ودليل الرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des prophètes qu'ils se concurrençaient dans le bien, ou qu'ils s'empressaient dans les œuvres de bien, et qu'ils invoquaient Allah, c'est-à-dire qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et espoir, ou par espoir et crainte plutôt, et qu'ils étaient humbles devant Allah. Donc ceci est la preuve que la crainte, l'espoir et l'humilité sont des adorations, car les prophètes invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et adoraient Allah avec ces choses-là, avec l'espoir, la crainte et l'humilité. ودليل الخشية. Apparemment, الخشية, nous avons dit, ça ressemble à la crainte. La preuve de cela, قوله تعالى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Ne les craignez pas. Ne craignez pas, yani, ces gens-là, les gens. Mais craignez-moi. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَنَا بِخَشْيَتِهِ. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بخشيته والله سبحانه لا يأمر إلا بما يحب ويرضى. وقلنا إن العبادة إيش تعريفها؟ ما تعريف العبادة؟ Je disais, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit ne les craignez pas mais craignez-moi. Donc il nous ordonne, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le craindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne que les choses. Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne que les choses qu'il aime et qu'il agrée. Allah n'ordonne que les choses qu'il aime et qu'il agrée. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose, ça devient une adoration, car nous avons défini la définition de l'adoration et nous avons dit que c'était quoi? Quelle est la définition de l'adoration que nous avons citée hier? Man yu'id, qui répète? Naam, mashallah. En français, qui le répète en français? Allah aime et agrée comme acte, parole, apparent ou caché. Naam. Et moi j'avais dit exactement apparent ou intérieur. Naam. Mais certains le traduisent par caché. El Muhim, comme ils disent en arabe, la mushahata fil istilah. On ne va pas tout jouer sur les mots, quoi, en gros. Ma'ana taqriban. C'est cela. L'adoration, c'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, apparent et intérieur. Donc, tout ce qu'Allah aime et agrée, ça rentre dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les choses qu'il aime. Donc dans ce verset, il nous a ordonné de le craindre. C'est pour cela que ceci rentre dans l'adoration. Et en Allah azza wa jalla amara bil khashya. Idhan yuhibbu al khashya, idhan al khashya min al ibad. Car Allah donc a ordonné de le craindre. Donc il aime qu'on le craigne. Donc la crainte fait partie de l'adoration. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Et la preuve que le repentir est une adoration, c'est le verset dans lequel Allah dit et repentez-vous à votre Seigneur. Et repentez-vous à votre Seigneur. Donc il nous ordonne également de nous repentir. Et comme nous avons dit, ce qu'Allah ordonne, ce sont des choses qu'il aime. Et ce qu'il aime, ça rentre dans l'adoration. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. Donc la preuve que la demande de l'aide entre dans l'adoration, c'est le verset que tout le monde connaît, إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul dont nous implorons l'aide. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, et si tu demandes de l'aide, alors demande-la à Allah. فهذه تدل على أن الله عز وجل أمرنا بالاستعانة به. Donc ceci nous prouve qu'Allah nous a ordonné de lui demander et d'implorer son aide. Et si Allah nous l'a ordonné, c'est qu'il l'aime, et s'il l'aime, donc ceci rentre dans l'adoration. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. La plupart des gens connaissent également ces deux sourates. Dis, je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube. Et dans l'autre verset, dis, je me réfugie auprès du Seigneur des hommes. Donc la demande de refuge à Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration, car Allah nous a ordonné de chercher, sa protection et de lui demander son refuge. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Et lorsque vous demandiez, lorsque vous recherchiez le secours de votre Seigneur, alors il vous a exaucé. ودليل الذبح. Et la preuve que le sacrifice et l'immolation est une adoration. قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc, dans ce verset, Allah SWT nous dit, il dit au prophète SAW, dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé, et c'est ceci qui m'a été ordonné, et je suis le premier des musulmans. فالنسك في الآية هي الذبائح كما جاء في تفسيرها عند المفسرين. Donc, dans le verset, lorsqu'il cite les sacrifices, ce sont donc les bêtes égorgées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceci a été rapporté dans les interprétations du Coran. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Et parmi les preuves de la sunna, que le sacrifice est une adoration, le hadith dans lequel le prophète nous dit qu'Allah maudisse celui qui fait un sacrifice pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse celui qui fait un sacrifice pour autre qu'Allah. وما هي اللعنة ماذا تستلزم اللعنة. Qu'est-ce que la malédiction implique? Je vous le demande. Est-ce que vous savez ce qu'implique la malédiction? Anta la tujib. C'est qu'Allah lui sorte sa miséricorde. Naam. Al-la'na. Al-la'n huwa at-tard min rahmatillah. Naam. C'est-à-dire, celui qu'Allah a maudit, c'est celui qu'Allah a éloigné de sa miséricorde. Allah t'éloigne de sa miséricorde. Si jamais le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il parle de malédiction, maudit soit celui qui fait telle chose, maudit soit celui qui fait telle chose. Lorsque ces doigts sont acceptés sur une personne, eh bien ça veut dire que cette personne sera éloignée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah ne lui pardonnera pas. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس أو كثير من أصناف الناس. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a maudit beaucoup de types de personnes, beaucoup de genres de personnes. فلعن شارب الخمر وبائعه ومشتريه وحامله ومعصره أو معصره. Donc, parmi les exemples, le prophète صلى الله عليه وسلم a maudit celui qui boit de l'alcool, et il a maudit celui qui transporte de l'alcool. Il a maudit celui qui vend de l'alcool, et celui qui achète l'alcool, et celui qui cultive la vigne pour en faire de l'alcool. Tous ces gens-là sont tous unis dans quoi? Dans la malédiction. Ils sont unis dans le khair, dans le bien, dans la malédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éloigne de sa miséricorde. Wa kadhalik, la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akila ar-riba وموكله وكاتبه وشاهديه. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'usure, qui mange les intérêts, qui prend les intérêts, et celui qui les donne, qui donne les intérêts, et celui qui écrit un contrat dans lequel il y a de l'usure, dans lequel il y a des intérêts, et celui qui témoigne de ce contrat. هؤلاء كلهم مشتركون في اللعن. tous ces gens-là, tous ces gens-là sont associés dans la malédiction. فانتبهوا على على العمل بالربا. Donc prenez garde à ne pas tomber dans l'usure, dans riba, comme le fait de prendre des crédits à intérêt. Ceci est interdit. لا يجوز بأي حال من الأحوال. Ceci n'est pas permis dans aucun cas. En aucun cas, ceci n'est permis de faire des crédits à intérêt. ومن قال بغير هذا فليأتي بالدليل. Et celui qui a un autre avis sur la question, celui qui a un autre avis sur la question, qu'il nous ramène. Et celui qui a un autre avis sur la question, qu'il nous ramène une preuve qu'on a le droit de donner les intérêts. Nam. وكذلك لعن الله المتشبه لعن رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Et également le prophète sallam a maudit les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. فهؤلاء ملعونون. Ces gens-là donc sont maudits. وغير ذلك. Et bien d'autres personnes ont été maudites. فالمهم أن الذبح لغير الله قد لعن الله قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه. Donc celui qui fait un sacrifice pour autre qu'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit, conformément à ce hadith. Et ceci prouve que donc ceci est interdit, et par rapport au verset que nous avons cité précédemment, nous avons su que c'était du shirk, que c'était de l'associationnisme. وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Donc, la preuve que le vœu est une adoration, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ils respectent leurs vœux et ils craignent un jour dont le mal sera terrible. Ils craignent un jour dont le mal sera terrible. Allah subhanahu wa ta'ala أثنى على الذين يوفون بالنذر. Donc Allah SWT a fait les éloges de ceux qui respectent leurs vœux, les vœux qu'ils ont émis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, nous avons su que c'est une chose qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et أن الله عز وجل لا يثني إلا على ما يحب. Car Allah SWT ne fait les éloges que des choses qu'il aime. وإذا أحب الله شيئا صار من العبادة. Et si Allah donc aime une chose, cette chose fait partie de l'adoration. وَنَقِفُ عَلَى هَذَا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ